Le journal sud-coréen Une Nation a présenté le 15 un éditorial dévoilant que le ministère de la Défense se presse à conclure un accord sur la protection des renseignements militaires avec le Japon pour sauver Park Geun-hye à la veille de la mort causée par des affaires scandaleuses. Le même jour, le comité d'étude du problème de l'armée américaine du Rassemblement des avocats pour une société démocratique a publié une déclaration contre les autorités sud-coréennes qui ont signé provisoirement l'accord sur la protection des renseignements militaires avec le Japon. Le 16 courant, une dizaine de formations comme le Conseil de mesures pour le problème des volontaires ont tenu un meeting de mercredi devant l'ambassade japonaise à Séoul, alors que plus de 120 formations nationales sud-coréennes, une conférence de presse le 17 devant la porte Kwanghwa à Séoul, pour exiger l'interdiction immédiate de la conclusion de l'accord militaire, version du traité ancien point de l'an Ulsa du 21e siècle. Par ailleurs, les gens pour la paix et la réunification ont tenu le 15 un meeting devant la porte Kwanghwa contre la disposition de SAT et la conclusion de l'accord nippon-sud-coréen sur la protection des renseignements militaires. Et diverses formations, comme le comité de lutte de Songju pour le retrait de la disposition de SAT, ont publié le 16 courant une déclaration contre la disposition de SAT par la bande traîtresse de Park Geun-hye.